C'est la chronique de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, je veux te parler des Saguenayens, des anciens Saguenayens. T'as joué dans le match des anciens. Je trouve que c'est une bonne idée, ça, de regrouper les anciens. T'es d'accord avec moi? Absolument, absolument. Très belle initiative, autant du côté du Phoenix de Sherbrooke que des Saguenayens. C'était le fun de revoir. On était un peu des joueurs de toutes les époques. Là, c'est sûr qu'on était beaucoup plus vieux sur papier que Sherbrooke, parce que je pense que nous, notre plus jeune joueur avait 35 ans et eux, il y avait, je pense, 5-6 joueurs de 24-25 ans. Alors, ça nous a fait un peu plus travailler plus fort, mais dans l'ensemble, honnêtement, là, c'était un beau match, une belle rencontre. Et puis, je sais que j'ai entendu entre les branches que les Saguenayens auraient peut-être un intérêt à faire un match l'année prochaine à Chicoutimi, dans la même veine qu'on a fait à Sherbrooke cette année. Alors, c'est une belle façon là de faire un peu revenir les anciens dans l'organisation. Et oui, c'est ça. Puis à quelque part, tu travailles pour les Remparts aujourd'hui, mais on s'entend-tu pour dire que t'es encore Saguenayen dans l'ombre à quelque part? Et moi, je trouve ça le fun. Puis je trouve que de réunir les anciens avec les l'édition, les Saguenayens, c'est une des plus vieilles franchises de la Ligue de hockey junior du Québec. Je trouve que c'est vraiment, avec Shawinigan, c'est génial en tout cas. Puis ça crée un sentiment d'appartenance. Absolument, absolument. OK. Marc, je veux te parler. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ton ancien entraîneur, Jean Perron. Jean mettrait tout le monde dehors, lui, si les Canadiens ne font pas les séries. Ben, pas tout le monde. Il a parlé surtout de Trevor Timmons. Moi, je vois plus loin. Je peux pas croire, moi, que Marc Bergevin, il n'y aura pas de changement à la fin de l'année. Je peux pas croire ça. L'équipe, elle se fait 4. Ça va être la 4e année en 5 ans qu'il rate les séries éliminatoires. Je sais pas. Moi, j'espère des changements majeurs. Ben, écoute, Danny, t'as raison dans un certain sens où ce que dans le monde du hockey ou dans le monde du sport en général, ta job est reliée au succès, est reliée à la victoire. Et lorsqu'une équipe connaît des années difficiles comme le Canadien en ont connu au cours des 4-5 dernières années, c'est sûr que on a tendance à vouloir mettre le blâme sur quelqu'un. Et puis tantôt c'est le coach qui peut être congédié, tantôt c'est le directeur gérant, tantôt on échange des joueurs, mais il faut trouver une façon de faire. Par contre, Danny, la place où ce que j'hésiterais quand même dans un certain sens, c'est que le Canadien a commencé une certaine étape où ce qu'ils veulent faire certains changements, ils veulent passer par le processus normal, si tu veux, quelque chose qui n'était pas accepté à Montréal dans le passé, où ce qu'on n'avait pas le droit de connaître de mauvaises saisons, on peut pas finir dans les bas-fonds, les gens sont exigeants, et avec raison, c'est la plus grande dynastie du monde du hockey dans le monde, alors on a des attentes, mais il faut passer par ce processus-là. Alors, si tu mets Marc Bergevin dehors, puis tu ramènes quelqu'un, ça changera absolument rien sur l'équipe présentement, parce que l'équipe ne sera pas meilleure demain matin sur le nouveau directeur gérant. Là. C'est sûr, mais... pas meilleur. Alors, tu es aussi bien de laisser le gars. Je pense pas que Marc Bergevin ait de mauvaises intentions. Marc Bergevin n'est pas le seul à prendre la décision. Il est le seul à aller au bat pour la décision qu'ils vont prendre. Mais ils sont donc un comité là-dedans là, de 10 gars, là, au moins des gars de hockey, qui vont prendre une décision puis qui vont aller dans une certaine lignée. Alors, t'es aussi bien de continuer. Moi, là, comme je disais, m'allez, envoyez-y la face dans le gravel, fais la job, fais qu'est-ce qu'on a à faire. Moi, je serais pour qu'il fasse certains échanges, parce que là, t'as quand même un noyau de bons jeunes. Si tu veux vraiment y aller pour reconstruire ton équipe, c'est peut-être le temps d'échanger des joueurs d'expérience. Peut-être que ça peut être un Carey Price, peut-être que ça peut être un Weber, un Tatar, des joueurs comme ça. Mais si tu veux y aller avec une reconstruction, t'as pas le choix. T'as pas le choix à un moment donné écoute, si tu veux faire des omelettes, faut que tu casses des œufs. Puis si tu veux casser des œufs, il faut que ça soit de tes bons joueurs. Mais si tu décides de encore une fois pas toucher à ces joueurs-là, ce qui serait pas une mauvaise décision non plus, mais c'est sûr et certain que ton processus va peut-être être plus long, et puis les gens vont devoir être encore plus patients. Donc ça va être quand d'abord? Moi, en tout cas, je t'écoute, Marc, t'aurais. Ça se tient à tes arguments, sauf que ça va être quand? C'est une business de résultats. 4 ans, je répète, ça fait 4 ans, 4 fois en 5 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Là, Laval va probablement les faire. Une fois en 7 ans pour l'équipe, le club ferme. Ça va être quand d'abord? Danny, si on savait, si on savait, on se faisait pas tête, Danny, on le sait pas, puis t'as entièrement raison. Les résultats sont pas là. Ouais. Si tu te fies aux résultats, c'est sûr et certain que tu vas mettre tout le monde dehors, puis tu sais quoi, tu vas les mettre dehors toutes les années. Parce que c'est pas pour demain que le Canadien va être meilleur. Les Maple Leafs de Toronto, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens allaient au game avec des sacs de papier sur la tête. Parce qu'il y avait honte de leur équipe. Les gens garochaient leur gilet, là. Un gilet que tu payes 150$, 200$ des Maple Leafs. Les gens garochaient ça sur la glace, puis s'en allaient à maudit. Ça fait pas longtemps, Danny, là, on parle pas de v'là 25 ans, là. On parle de v'là pas longtemps. Mais demande aux gens de Toronto aujourd'hui si ça leur tente d'aller à voir les games à Toronto, puis comment ils trouvent leur équipe, puis comment qu'est l'atmosphère là. Tu vas dire, waouh, c'est incroyable. Mais il a fallu avoir des années de souffrance, un, pour pouvoir se permettre ça. Puis deux, Danny, c'est plate, mais il faut que ta cuvée soit bonne quand tes mauvaises années sont là. Si t'as pas une bonne cuvée, cette année, c'est une bonne cuvée avec Lafrenière. Ouais. Ça vaudrait la peine que le Canadien soit dans le boulier et que le Canadien ait la chance de repêcher premier, parce que c'est un exceptionnel, ça. Les autres années, là, c'est pas arrivé beaucoup dans les dernières années. Oui, on recule à McDavid, à Matthews et compagnie. Mais tu sais, si tu regardes ça froidement, là, les deux dernières années, là, les Ishier et puis les Hughes, puis c'est pas des joueurs de concession qu'on a eu. Alors, on finit dernier sans avoir être pleinement récompensé, comme Pittsburgh ont été récompensés à l'époque, comme Chicago a été récompensé, comme Toronto a été récompensé. Alors, il faut avoir un bon timing entre finir dans les bas-fonds et avoir la chance d'être dans une bonne cuvée cette année. On fait pas une série, Marc, mais on s'est entendu pour dire que partie-là, ça va être à peu près 8, 9e, 10e qu'on va finir. On va repêcher 8, 9, 10. Il y a des grosses chances que ce soit ça. 8, 9, 10, là... C'est bon rien. C'est zéro. Tu sais, à un moment donné, là... Si on finit dernier, tu veux mettre tout le monde dehors. Ben là, à un moment donné, il faut que tu finisses dernier si tu veux avoir ces choix numéro 1, là. T'as pas le choix, Danny, mais les gens l'acceptent pas. Puis je comprends ça, là. C'est vrai que c'est fâchant, puis c'est notre équipe, puis on est habitué. On a 24 bagnoles avec la Coupe Stanley, puis c'est la dynastie, c'est notre équipe au Québec, c'est notre religion. Mettre tout ça ensemble, vous allez avoir raison de vouloir mettre tout le monde dehors. Mais d'un autre côté, tabarouette, c'est ça ça marche plus comme avant, où ce que le Canadien pouvait protéger certains joueurs, repêcher plus de Québécois. Mais moi, je me rappelle, Marc, on est de la même âge. Dans le temps de Serge Savard, quelque part, tu te rappelles? Puis là, le monde va dire, ouais, mais c'était dans les années 80, puis il revient-en. Dans le temps de Serge Savard, là, faire les séries, c'était même pas un objectif, c'était la Coupe Stanley qu'on parlait. Canadien, là, c'est aujourd'hui, c'est de faire les séries, l'objectif. C'est totalement différent, là, tu sais, à quelque part, là. Tu vas me dire que c'est les années chères, c'est pas tant que ça. Tu sais, l'instructeur des Redskins de Washington, quand il a été nommé Ron Rivera, il a mentionné qu'il voulait amener un Super Bowl à Washington. Tu vas me dire que c'est partir de loin, mais à quelque part, c'est quand même agréable. On va travailler là-dessus. Tu sais? Ouais, mais est-ce qu'on a carte blanche pour le faire? Tu sais, je veux dire, lui, là, entre le dire, OK, amène un nouveau directeur gérant. Amène-le. Qu'est-ce qu'il va te dire, lui? Je veux ramener la Coupe Stanley à Montréal. Ben, entre le dire et être capable de le faire, là. Facile de dire ça, Danny. Ouais. Je vais te dire, moi aussi, engage-moi avec le Canadien. Je vais dire que mon but, c'est de gagner la Coupe Stanley. Les jeunes, faut pas partir en peur, les jeunes, là. Tu sais, les Canadiens nous vendent beaucoup les jeunes. Tu sais, Romanov, oui, ça va faire un excellent défenseur. Tout indique que ça va faire un bon défenseur. Jack Caulfield, attendons un peu, il est à 5-6. 5 et 6, ça peut faire un bon joueur de saison régulière, mais à 5 et 6 d'un série, Marc, des game changers, tu n'as pas, là. Les autres équipes, ils ont aussi des bons jeunes, là. Pas que le Canadien qui l'a, là. Exactement. Le plus grand problème, Danny, c'est que le Canadien a été surévalué pendant plusieurs années à cause du rendement de Carey Price qui était exceptionnel. Alors, on pensait que tout allait bien, que l'équipe était super bonne, puis tout ça. Regarde présentement dans ton top 6, combien de gars, honnêtement, si tu regardes ça avec ce qu'on part avec toutes les autres équipes de la Ligue nationale, combien de vrais top 6 que tu as présentement à Montréal? Le top 6, il n'y a pas bien. Dano, à la limite. Il n'y a pas bien. Dano, à la Non, Danny. Dano. Danny, là, on parle pas de. Ben non. Ben, dans bien des équipes, c'est un deuxième centre, Philippe Dano. Le grand potentiel, le potentiel de top 6, vraiment, là, qui compétitionne entre les autres, là, t'as Drouin. Drouin qui peut être un top 6 s'il fait la job. Puis Gallagher, c'est parce qu'il est tellement travaillant, puis il est tellement acharné, tout ça, que t'as pas le choix de le considérer dans le top 6. Mais idéalement, crime, tu sais, si tu regardes ça là, en talent pur, là, c'est pas un top 6 comme bien des équipes de la Ligue nationale ont. Alors, ces Danos-là de ce monde-là, puis ces Tatars-là, là, qui doivent affronter Crosby, Malkin, qui doivent affronter Matthews, puis Miner, puis name it, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas évident, parce que c'est pas, malheureusement, c'est pas des vrais top 6. Non. C'est des top 6 par la bande, puis ils font bien, là. Super, moi, j'adore Dano, j'adore Gallagher, c'est Tatar, une bonne saison, c'est des gars super, mais tabarouette. Mais t'as des potentiels top 6. Le Suzuki, c'est un potentiel de gars qui a les aptitudes de faire. Kotkaniemi aussi. Ben oui, il a 19 ans, donnons-y une chance. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une aussi bonne saison qu'on aimerait, mais hey, à 19 ans, moi, je peux te dire, en avant, que je joue encore dans le junior, puis je n'étais même pas proche de la Ligue nationale. Là. Alors lui, on s'entend qu'il est capable de tirer son épingle du jeu à 19 ans. C'est parce qu'il va avoir un potentiel éventuellement de jouer top 6. Alors, on a quelque chose qui s'en vient, mais tu as bien raison qu'il y a bien des équipes qui ont énormément de talent également. Ben ouais. Alors, est-ce que c'est une défaillance dans le repêchage? Peut-être. Il faut qu'il y ait des changements, Marc. Tu peux pas revenir de même avec la même affaire, avec tout le même personnel l'année prochaine. C'est impossible. Il faut que tu aies quelque chose, au moins, que ce soit Timmons, que ce soit... Claude Julien, moi, je trouve que c'est pas nécessairement sa faute, quoi qu'il est pas blanc non plus là-dedans. Tu peux pas revenir avec quand ton club a pas fait les séries une fois en 5 ans. Moi, c'est mon idée. T'as raison, mais tu peux pas mettre dehors tout le monde dehors à toutes les fois. Tu sais, à un moment donné, là, comme je t'ai dit, ils ont commencé un travail. Moi, personnellement, je dirais, regarde, moi, j'étais à Jeff Monson, là. Honnêtement, l'année, j'irais revoir Marc Bergevin, puis je dirais, regarde, Marc, je t'ai engagé, là. OK? Je t'ai payé solide, là. T'es titre jusqu'en 2022, ce contrat. Je m'excuse, mon chum, là. On s'est pris une ligne de conduite qu'on va faire. On s'en va dans cette direction-là. C'est vraiment plate pour toi, là. C'est toi qui vas faire le job, là. Puis je vais te mettre dehors, éventuellement, parce que c'est sûr que ça passera pas. Mais c'est toi qui se garoche la face dans le gravel. C'est toi qui vas faire le gros ménage qu'on veut faire. C'est toi qui vas prendre la pression. Je t'ai payé pour ça. Puis c'est comme ça qu'on s'en va. Parce que sinon, Danny, t'emmènes un nouveau directeur gérant. Crime, il y aura pas d'outils. Il y aura pas plus d'outils, là. Ben, toi, fait que t'es tout souvent de trouver quelqu'un qui va procurer des bons outils au prochain directeur gérant. Malheureusement, ça sera probablement pas Marc parce que, comme tu dis, les résultats ne sont pas là. À un moment donné, quand ils sont pas là, il y a quelqu'un qui paye la note, puis probablement, malheureusement, que Marc va payer la note éventuellement. Mais au moins, si tu laisses un héritage au prochain, ben, calique, il va peut-être bien pouvoir partir sur des bases solides, puis comme ils sont en train de faire. Parce que là, tu parles des jeunes. Comment tu trouves ça que Fleury joue pas? On sait qu'on ne fera pas une série, puis tu t'en vas où avec Kulak? Tu t'en vas nulle part, là. Ben, mathématiquement, ils sont pas éliminés. Fait que si tu y vas juste avec des jeunes, le monde va dire c'est ça, les Canadiens ont abandonné. Et le monde, c'est ça, là. Si tu vas juste avec des jeunes, ils vont dire c'est ça, vous avez déjà abandonné cette saison, vous n'étiez pas éliminé, mais statistiquement parlant, mais vous avez déjà lancé la serviette, c'est pas un bon message, pas ça, les Canadiens. Fait que tu fais ça, ben, regarde, c'est ça. Fait que, regarde, dans pas grand temps, je pense, moi, qu'ils vont être éliminés mathématiquement, là. Fait que quand ils seront là, puis la période des échanges s'en vient, puis Marc, il fera ce qu'il a à faire pour essayer d'accélérer le processus de son organisation pour redevenir une équipe compétitive. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des joueurs que même si t'es pas d'accord, moi je suis d'accord que, étant donné que t'as des jeunes, oui, Weber, je le garderais sûrement parce que Kalik, il va être bon avec les jeunes, ça prend un leader dans la chambre, ça prend quelqu'un qui fasse pousser ces jeunes-là droite. Kovalchuk, c'est drôle, hein, je le garderai, moi. Pour le show. Ça dépend à quel prix, Danny. Ça dépend à quel prix, mais pour le si t'as un choix de troisième ronde, on en masse des choix de troisième ronde, là, tu sais, quelque part. Puis il n'y a rien de garanti. Puis pour le show un peu, le monde qui paye 200$, Kovalchuk, depuis qu'il est à Montréal, on n'a rien à reprocher. Moi, j'avais des gros doutes. J'avais des très, très gros doutes là-dessus, là. Je pensais, mais forcément, admettre qu'il fait un job pas à peu près, là. Mais OK, je vais te poser une question, ouais. Danny. Tu l'aimerais-tu de la même façon à 5 millions qu'à 700 000? Non. S'il faisait 5 millions, tu dirais calique. Moi, je donnerais 2-3 millions. À 2 millions, je le garderais. Ouais, mais c'est ça. C'est de le garder, mais à quel prix? À 700 000, là, je le garde, je signe les 10 ans. Il n'y a pas de problème. Mais à 5, admettons qu'il arrive et il va avoir 4-5 millions, là, tu dis, oups, OK. OK, c'est vrai qu'il a amené de l'émotion, c'est vrai qu'il y a un certain potentiel, c'est puis vrai. C'est mais nous autres, on dit qu'on veut virer notre équipe de bord, Danny. On dit qu'on veut faire un virage jeunesse. On va aller signer un gars de 35 ans à 5 millions, ben non, à 4 millions. Ça marche pas, là. Moi, 2-3 millions. Moi, j'y donnerais un an plus une année d'option. J'y offrirais 2 millions et demi l'an prochain. Puis peut-être avec des bonus, puis après ça. C'est sûr qu'il va peut-être avoir une équipe qui va lui donner. Mais, en tout cas, moi, je ne le changerais pas, en tout cas, pour à date limite des échanges. Pour le show. Non, il peut le garder. Ouais. Non, absolument. Parce que Kovalchuk, absolument, parce que ça frappe l'imaginaire. C'est un nom qui frappe l'imaginaire. Hey, moi, là, je te dis, Marc, là, tu vas peut-être trouver que j'exagère, là, mais le gars, là, il est le fun à avoir joué. Puis talent brut, là, c'est sûr qu'il a 37 ans, mais talent brut, on n'a pas eu un joueur le fun d'avoir joué en attaque depuis Stéphane Richer. Oui, mais tu sais, je veux dire... Tu sais, pour le monde qui sont au Centre Bell, là... Oui, mais Danny, demain matin, là, ou l'année prochaine, mettons, il re-signe, là, les attentes ne sont pas les mêmes. Là, on avait zéro attente sur Kovalchuk. Je veux dire, il produit, mais tu sais, il a pas 20 points du game, là. Non, je veux dire, il a peut-être pas tout à fait un point, ou peut-être un, là, mais ou pas tout à son fait un. Son attitude est très bonne. Son attitude est excellente, puis tout ça, quelqu'un-là. Mais là, l'année prochaine, on aura un gars de 38 ans. 37. Qui va jouer à la place de 37 ans, qui va jouer à la place de qui? De Peeling, qui va jouer à la place d'un jeune qui devrait être là. C'est tout ça ensemble qu'il faut tu mettre. Oui, on est des émotionnels, nous autres, les Québécois, pour notre équipe de hockey. On gère des fois avec l'émotion. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes l'émotion de côté. Puis tu te dis, si là, on a pris la tangente de vouloir rajeunir notre organisation, faire grandir nos jeunes et ces choses-là, ben il va falloir que tu sois en majorité jeune qu'en majorité vieux. Parce que là, si tu signes tous des gars à des gars comme ça, tu sais, malheureusement, il faut que tu sois un bloc de ciment puis que tu prennes des décisions logiques pour ton organisation et non pas émotionnellement. En tout cas, moi, si jamais il était changé, là, tu sais où je le verrais? Avec Crosby à Pittsburgh. Ben oui. Hein, Crosby à Pittsburgh. C'est incroyable. Avec Crosby, au côté de Crosby, là. Hey, ça ferait des flamèches, ça, pour moi, ça. Hey, Marc, il me reste un point, je veux te parler du match des étoiles. On a entendu, c'est toujours la même histoire toutes les années. Le match des étoiles, les gens trouvent ça plate, les gens ils savent pas quoi faire avec ça. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un mal nécessaire. Puis à quelque part, là, moi, des histoires de 3 contre 3, puis l'année prochaine, faire un tournoi international avec 3 contre 3. Tu sais, à un moment donné, il faut pas réinventer la roue. C'est un mal nécessaire. Puis moi, je reviendrai à l'ancienne formule SOS, puis that's it. Puis on vit avec ça. Puis de voir les joueurs étoiles sur la même glace, même s'il n'y a pas d'intensité. Moi, en tout cas, c'est le même que je vois ça. Pas comment tu vois ça, toi? Moi Danny, là, j'adorais ça. Moi, je l'ai aimé, le match des étoiles. Honnêtement, là, moi, là, je vais pas avoir une game, moi, qui va finir 2-1. Moi, je vais voir une game qui va finir 15-12. Puis c'est ça que ça donne, là, ces games-là. Là, c'est spectaculaire, tabarouette. Les organisations, ça ne tente pas que le joueur vedette s'en aille là. Là, mettons qu'il joue une game intense, là, puis que là, t'as deux joueurs qui se blessent, l'un qui se dislocation de l'épaule, là, qui a le genou, puis il est out pour le restant de la saison. Là, c'est ce que ça te tente, toi, comme organisation, un gars, tu payes 8 millions par année? Puis d'ailleurs, c'est pour ça, d'après moi, que la blessure de John Tavares, d'après moi, c'est à cause de ça. C'est en grande partie à cause de ça qu'ils veulent plus retourner aux Olympiques, malheureusement. Parce que Alors, continuons ça. Qu'est-ce que ça fait, ça, ce qu'on avait? Il n'y a pas de mise en échec. Hey, moi, j'ai vu des cristis de buts, là, des mains, là, des gars qui ont des. Moi, c'est ça, je veux voir un match des étoiles. Puis de voir les. La NBA, là, tu veux voir les gars qui vont dunker, mon gars, puis qui vont partir du centre-ville, puis qui vont aller porter le ballon dans le panier. Pas un gars qui va le bloquer, puis qui va essayer de bloquer son panier ou bien faire de l'interférence. Non, on laisse-les aller, là. Le gars, c'est le talent peu. On veut voir le talent des joueurs. On veut pas voir comment un bon défensif que t'es puis jouer. Non, moi, honnêtement, là, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, moi. Hey, c'était beau en crime de voir McDavid avec avec Draisaitl se promener sur la glace. Tout sur la même glace. Tout sur la même glace. Les vedettes, ça avait une glace. Peu importe le match. Écoute, le meilleur match d'étoiles, c'est le match d'étoiles du baseball parce que c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. Ouais, collectif. Le soccer, moi, j'aime bien le match d'étoiles de la MLS parce que ça oppose les vedettes de la MLS à un club européen. Donc, on peut voir comment qu'on est. Mais le match d'étoiles de basketball, le match d'étoiles du NFL, le match d'étoiles du hockey, regarde, c'est un mal nécessaire, puis vivons avec ce que c'est, puis c'est tout. Ah oui, puis ça a été, je pense que les gens y ont parlé la fin de semaine à Saint-Louis, il paraît que c'était extraordinaire. Ben ouais. J'ai parlé à Justin Saint-Pierre aujourd'hui, Justin Saint-Pierre qui a arbitré le match, puis il vient d'ici, Justin, puis il dit que c'est un show pour le monde, puis pour les commanditaires, puis c'est même qu'il faut voir ça, faut absolument. Pas voir ça. Ouais. Ouais. Ah, j'aimais ça dans les estrades, moi, quand on avait de la concours d'habileté, puis les gars étaient dans les estrades, puis ils devaient lancer ça dans des cibles de 10 points ou 4 points ou 5 points, whatever. C'était le fun. Moi j'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est une affaire, c'est relax, c'est festif. On voit le talent pur des joueurs sur la glace. On voit les mains qui ont la vision, la créativité qu'ils ont, qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir exploiter dans un match parce que le hockey est rendu tellement robotisé maintenant, puis il faut faire ci, ça, on n'a pas le droit. Tandis que là, quand tu as un match comme ça, ce que tu laisses le joueur être créatif, c'est vraiment beau. Moi, honnêtement, j'ai aimé ça. Ouais. Marc, on s'en reparle dans une coupe de semaine. Ça me fait plaisir. Collaborateur Marc Fortier.